Yeah, TK1-3 freestyle, une minute à Marseille, ok. Houston, you receive me. Appelle le temps de bouger, tais-toi on est OP. 1-3, tu sais quoi, y'a plus de roi. Le game, aucun problème. Faut que je récolte tout ce que je sème. Aligné, aligné, tu fais que t'enfoncer. Régner, régner, procès, procès. Dossier, dossier, va vacancer. Personne ne sait plus quoi penser. Déterminé, pourquoi te le rappeler. Le terrain est miné, les minots sont armés. Parce que les patrouilles tournent, où la vente séjourne. Les petits courent pour sauver leur jour. Parce que les patrouilles tournent, où la vente séjourne. Les petits courent pour sauver leur jour. Parce que les patrouilles tournent, où la vente séjourne. Les petits courent pour sauver leur jour. Banlieue dangereuse, banlieue dangereuse, banlieue dangereuse, banlieue dangereuse, banlieue dangereuse, banlieue dangereuse, banlieue dangereuse, banlieue dangereuse, banlieue dangereuse, 1-3, banlieue dangereuse, 1-3, banlieue dangereuse, 1-3, banlieue dangereuse, 1-3, banlieue dangereuse, 1-3, banlieue dangereuse, Marseille.